Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre des rois, chapitre 10. Mais la reine de Saba aussi, ayant appris la renommée de Salomon au nom du Seigneur, vint l'éprouver par des énigmes. Et étant entrée dans Jérusalem avec une suite nombreuse, des richesses, des chameaux qui portaient des aromates, de l'or en quantité infinie et des pierres précieuses, elle vint vers le roi Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait en son cœur. Et Salomon l'instruisit sur toutes les paroles qu'elle lui avait proposées. Et il n'y avait point de mot qui pût être caché au roi et sur lequel il ne répondit. Or la reine de Saba, voyant toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, les logements de ses serviteurs, les divers ordres de ceux qui le servaient et leurs vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur, n'avait plus son esprit. Et elle dit au roi, « Il est véritable le récit que j'ai ouï dans mon pays de vos entretiens et de votre sagesse. Et je n'ai pas cru ceux qui me parlaient, jusqu'à ce que je sois venu moi-même et que j'ai vu de mes yeux. Et j'ai reconnu que la moitié ne m'avait pas été annoncée. Votre sagesse et vos œuvres sont plus grandes que la rumeur que j'ai entendue. Heureux vos sujets et heureux vos serviteurs qui sont toujours devant vous et qui écoutent votre sagesse. Béni soit le Seigneur votre Dieu, à qui vous avez plu, et qui vous a placé sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur a aimé Israël pour jamais, et qu'il vous a établi roi pour rendre les jugements et la justice. » La reine de Saba donna donc au roi 120 talents d'or, des parfums en une très grande quantité et des pierres précieuses. On n'apporta jamais depuis à Jérusalem des parfums aussi nombreux que ceux que donna la reine de Saba au roi Salomon. Mais aussi la flotte d'Hiram, qui portait de l'or d'Ophir, apporta d'Ophir des bois odorants en très grande quantité et des pierres précieuses. Et le roi fit de ces bois odorants les balustres de la maison du Seigneur et de la maison du roi, des harpes et des lyres pour les chantres. On n'a point apporté et on n'a point vu de tel bois odorant jusqu'au présent jour. Or le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle voulut et ce qu'elle lui demanda, outre ce qu'il lui offrit de lui-même, avec une munificence royale. Et la reine se retourna et s'en alla en son pays avec son serviteur. Or le poids de l'or qu'on apportait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, sans ce que lui apportaient les hommes préposés aux tribus, les marchands, tous ceux qui vendaient des choses recherchées, tous les rois d'Arabie et tous les chefs du pays. Le roi Salomon fit aussi 200 grands boucliers d'un or très pur. Il donna pour chaque bouclier 600 sicles d'or. Et il fit 300 petits boucliers d'un or éprouvé. 300 mines d'or revêtaient chaque bouclier. Et le roi les plaça dans la maison du bois de Liban. Le roi Salomon fit aussi un grand trône d'ivoire, et il le revêtit d'un or très jaune. Ce trône avait 6 degrés, le haut était arrondi par derrière, et il y avait 2 mains, l'une d'un côté et l'autre de l'autre, qui tenaient le siège, et 2 lions auprès de chaque main. Et 12 lionceaux étaient sur les 10 degrés d'un côté et de l'autre. Il n'avait pas été fait un tel ouvrage dans aucun royaume. Mais aussi, tous les vases où le roi Salomon buvait étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison du bois du Liban était d'un or très pur. L'argent n'était réputé aucun prix au jour de Salomon. Parce que la flotte du roi avec celle du roi Hiram allait une fois tous les 3 ans en Tarsis, rapportant de là de l'or, de l'argent, des dents d'éléphant, des singes et des paons, le roi Salomon surpassa donc tous les rois du monde en richesse et en sagesse. Et toute la terre désirait voir la face de Salomon pour écouter sa sagesse que Dieu avait mise en son cœur. Et chacun lui envoyait des présents, des vases d'argent et d'or, des vêtements, des armes de guerre, des parfums, des chevaux et des mulets, à chaque année. Et Salomon rassembla un grand nombre de chars et de cavaliers, et on lui disposa 1 400 chars et 12 000 cavaliers, et il les plaça dans les villes fortifiées et près du roi dans Jérusalem. Et il fit qu'il y avait à Jérusalem une aussi grande abondance d'argent que de pierres. Et il procura une multitude de cèdres, semblables à celles des sycomores qui naissent dans les plaines. Et l'on amenait des chevaux pour Salomon de l'Égypte et de Coa. car les marchands du roi les achetaient à Coa et lui amenaient pour un prix convenu. Or il sortait un attelage de 4 chevaux d'Égypte pour 600 sicles d'argent, et un cheval pour 150. Et c'est de cette manière que tous les rois des Éthiens et de Syrie lui vendaient des chevaux. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.